ouais, et tout ça. Putain, j'ai mon micro est encore tout pourri, c'est quoi ce bordel? Ouais. Je vois que ça va être une année aussi merdique que 2023, le PCR. Ouais, et que 2022, et que 21, et que 20. Enfin, 2020, quand même, il y avait de l'ambiance. Oui. C'est donc, vu que c'est le bordel à l'antenne de campus, vous savez que c'est Pyongyang City Rockers qui recommence. On ne s'est pas perdu dans les méandres des Boostify en famille ou. Enfin, voilà quoi. Il y a des malades qui sont quand même là. Il y a des. Voilà. On a un invité, un grand leader d'honneur qui nous fait le plaisir ce soir de revenir parmi nous au micro. Bonsoir. Bonsoir, oui, c'est la fête. Ouais, bien. Alors lui, tite ton micro par contre chez quelqu'un qui l'a complètement niqué. C'est la fête. Voilà. Ça a l'air d'être pas mal. Ça va. Donc voilà, avec Célia ce soir, elle est malade, donc elle est là. Salut, voilà. Ah ouais, je suis là, mais ça va mieux quand même. Ouais, bah, donc par contre, t'as rien à préparer. Non, par contre, j'ai rien. Bon, non, mais bah, vu qu'il avait préparé des morceaux. Je te coupe ton micro, alors. Bim. Val est là. Allez. Ça y est, t'as réussi à trouver comment que ça marche avec le casque. C'est bien. Je pense, si tu m'entends, ouais. C'est que oui. Bah, je t'entends. Enfin, le casque, le micro. Vaguement, oui. Mais... Oh, ça commence bien. Ouais. Et... Oui, je dois parler devant le micro. Dans le micro. Mais, le truc, il est tellement grand que moi, ma tête, elle est toute petite. Il n'a pas besoin de lécher le... Il est haut, tu veux dire, et toi, tu es basse. Mais non, mais le truc là, le truc noir... Anti-pop. Anti-pop. Moi, je suis 2.0, mec. Adblock. L'adblock. Gaël est anti-pop, vu qu'il fait de l'œil. C'est ça ? Il fait de l'œil. Tu fais de l'œil. J'écoute de l'œil. Ouais, non, t'en fais aussi, on va en parler tout à l'heure. D'ailleurs. Ah, c'est lui. Et le grind, c'est toi, Ripoll. Et le grind, c'est moi, mais pas aujourd'hui. Moi, c'est fini. Merde. Le grind, c'est fini. Bah, Ripoll, ouais. Il est plus oeil que moi. Bah, c'est tout. Regarde son CV et le CV à venir. C'est clair. Ouais, je bosse à Roubaix maintenant. J'avais prévu de passer dès maintenant. Bah, tiens, si, oui, non, que je sais pas. Si. Allez, ça vient de sortir. Non, ça vient pas de sortir. C'est sorti il y a quelques mois déjà, mais on a pu les admirer lors d'un concert pétardant le 9 décembre dernier. C'est Hiatus qui se demande et qui vous demande, mais c'est quoi qui va pas avec mon cauchemar? Laissez-moi avoir mon cauchemar à moi que j'ai et que je préfère. C'est What's Wrong with my Nightmare sur leur dernier album sorti une paire de mois, Hiatus. Ah voilà quoi, hein. Bah ouais. C'est toujours bien. Hein. Ah ouais. Ouais. Donc le 9 décembre dernier, bah, c'était le concert avec pour les 40 ans de Scraps, il y avait aussi Jody Foster. Enfin d'hab, tout ça quoi. Hein. Blake Sortine. Ouais, comme d'hab. Bah attends. Ça va Gaël? Oui, ça va. Ouais, d'ailleurs c'est là c'était un, aussi un tu faisais aussi du hardcore et du punk. D'accord. Ce soir-là. OK. Vu que tu faisais partie de l'organisation. Enfin, oui. M'a-t-on dit à Skip. J'encaissais les prix libres, ouais. Ouais, c'est bien ça. Bon. Ça s'est bien passé. C'est à moi ? Ouais. Ah, si tu veux. Allez, je vais vous passer à un groupe qui sonne vachement Short Days. En tout cas, dès que j'ai écouté, merci Didier, hein. Et en à peine 30 secondes, je savais que j'allais kiffer ce punk power pop très certainement influencé par des groupes de Portland, Red Dawns en tête de liste. Le groupe est allemand, même si ça ne s'entend pas du tout. Il vient de Freiburg. Non, attends, je vais faire en allemand. Freiburg im Breisgau. Breisgau. C'est bon? Mmh. Ouais. Mmh. Yeah. Et c'est pas très loin de Colmar, à la frontière. Ils ont sorti un EP 3 titres en janvier 2022. Ils sont revenus en octobre dernier avec un album 9 titres. Dedans, on y retrouve deux Nusk, un barbu et un chevelu. Pour les Scanners, sachez que c'est un side project du groupe Oi Antifa Drinking Squad. Je vais vous passer un morceau qui s'appelle Can't Stand to See Your Face, qui me fait penser grave à Sweatshop Boys pour le coup. Nonchalant, je sais pas quoi, nonchalant, sur Radio Campus, Pyongyang City Rockers. C'est pas ça. Bah non, c'est pas ça. Il fait chier. Il a pas démarré ce con. Et je sais pas pourquoi il est passé au suivant. Doucement, allez, la nouvelle année. On renvoie. Ouais, mais tu connais ce que je viens de passer là. Nonchalant. Ouais. Radio Campus Lille. Pyongyang City Rockers. On pourra couper comme ça. Ah non, il veut pas. Il y a des erreurs. C'est quoi ton bordel là? Bah pas nonchalant. Alors on va passer à autre chose. Ça c'est la loose quand même. Il va falloir que tu me refiles la clé USB pour qu'on puisse la remettre dans le bordel, à mon avis. C'est un truc dans ce genre-là, quoi. En fait, t'as glissé les morceaux de la clé dans le lecteur et t'as retiré la clé. Pas du tout. Allez, à vous, Stéphane. Pas du tout. Non, bah non, je les ai là, attends. Est-ce qu'ils sont là? Non, ils sont pas là. Ouais, t'as raison, c'est ça. Ah, voilà. Ça commence bien, la nouvelle année. Bah, du coup... Alors, ils sont ailleurs, je sais pas. Du coup, c'est marrant, ouais. Parce que moi, j'avais aussi un groupe de Freiburg... Colmar, c'est vrai. Ouais. Ah bah parfait. Bah, c'est bien. Bah, on mettra nonchalant juste après le tien. Ah ouais, voilà. C'est pas vraiment un groupe, c'est un type tout seul. Il s'appelle Björn Peng. Il fait de la techno. Et il a une imagerie et il se revendique même de la mouvance straight edge, hardcore straight edge. Du coup, c'est assez marrant parce qu'à chaque fois que tu le vois, il termine les soirées. Il fume des clopes. Non, vraiment, tout calme, tout straight, sauf qu'il fait de la techno et qu'il fait des splits avec des groupes de punk hardcore comme Rawside ou des trucs comme ça. Et vu que c'est une période de fête et que moi j'ai bien fait la fête, j'ai mis cette chanson de ce straight edge très rigolo qui termine quand même, je le rappelle, hein, il termine forcément, tu fais de la techno dans une soirée punk hardcore, tu termines la soirée, tu vas jusqu'à 4-5 heures et tu tapes tous les noms straight edge en fait devant toi et c'est toujours assez drôle à voir. Donc si ça vous dit, pour faire la fête ce soir tout de suite maintenant, Björn Peng avec le morceau At Night. Puis après il y aura Nonchalant. All day. Certains qu'on aimerait bien ne plus voir. I can't stand to see your face, même en 2024. Oh, je me casse et puis c'est tout fiché. Franchement. Donc, c'était deux groupes de Freiburg, Im Breisgau. Breisgau. Voilà, Breisgau. Le Breisgau City Rockers. C'est ça, Nonchalant et Björn Peng. Parle dans ton micro. Nonchalant. Et Björn Peng. C'est marrant d'avoir un nom en français comme ça. C'est bizarre. Ah, c'est peut-être un allemand, ça, ça se peut peut-être aussi nonchalant. Hein. Björn Peng, très. Hein. Björn Peng, c'est fort allemand quand même, je trouve. Ouais, bon, Björn, je sais pas. Björn. Björn. Ouais. Ouais. Oh, il y a des Allemands qui s'appellent Björn. Ouais, écoute. Il y a même des Néerlandais, puis même des Belges. Ils s'appellent comme ça. Ouais, si je te jure. Nous, on les appellerait Björn. Björn. Björn. Björn Peng. Et non. Un extrait du magnifique split maxi, c'est un maxi, hein, le R&A Essay Streetwise. C'est pas un single, il y a quatre titres, t'es rigolo. C'est un maxi single, c'est deux morceaux par groupe. Un maxi single. Single. Max single. Un maxi single, s'il vous plaît, en menu. Maxi. Sorti conjointement par Cassette Echo Spenac, Tough Ain't Enough Records, Contra Records, Farm Records et Mawashi. Vous connaissez Mawashi? Ils sont pas mal, hein, vous. Si vous les connaissez, vous leur direz que c'est bien ce qu'ils font. Voilà. Cette fois, c'est René Sey qui s'y colle dans un titre qui ne fleure pas bon la nostalgie. En effet, dans Hausson, il t'explique que rien n'a changé et qu'ils sont restés les gamins de quartier qu'ils étaient. L'innocence en étendard et des rêves plein la tête. Hausson par René Sey. Enfin, si ça vient. Eh oui. Ven a alcanzar esta arena de asbestos. Ouais, que c'est bon là, ce que tu nous as ramené, Stéphane. Ah ouais, franchement, en plus, bon choix, produit par d'excellents labels. Guettez, parce que il se pourrait que RNSA soit en tournée pour promouvoir entre autres ce split dans les mois, les semaines qui viennent. Allez savoir où ils vont passer. J'ai entendu une tournée en fin du mois de mars. Ah ouais, d'accord. Dans le coin là, enfin quelque part. Ouais, ça passerait dans le coin. Ouais. Ouais. Alors, en Anvers ou un truc comme ça, non? Non, plus proche. Plus proche. Ah d'accord. Ok, à Dunkerque. Tu chauffes. Bon, d'accord. On essaiera de faire encore des devinettes comme ça. Vous écoutez Pyongyang City Rockers sur Campus 106,6. On n'a passé pas beaucoup de titres. Il est déjà 20h22. Il est temps, Madame Val, d'arrêter de farfouiller dans votre sac, mine de rien foutre ce soir. Et puis là, au taquet. Hein. Allez, sois gentil avec moi en début d'année. Valentine, c'est à toi. Moi, gentil. Non. Alors, mais je vais sortir de ma zone de confort aujourd'hui. Hein. Tu vas passer de la musique de hippie. Cette expression, il faut que je prenne des accents, ouais, je sais pas pourquoi. C'est des trucs que t'apprends au boulot, quoi. Pas de commentaires. Je vais vous passer un morceau de rap. Eh ouais, tout arrive, mais pas n'importe quel morceau de rap. Non, mais moi, j'aime pas le rap. Mais bon, bref. Je vais vous passer un hymne à mon pays, une ode à ses merveilles nombreuses et variées, à ses hommes politiques incorruptibles, à son administration sans faille et à sa météo tropicale. Bon, c'est comme ici, hein. Bah, écoute, attends, tu vas voir. Donc, l'auteur s'appelle Oumann. C'est un Hecht bruxellois d'une cinquantaine d'années. Actif depuis plus de 30 ans sur diverses scènes belges, scènes dance, reggae et rap donc. Il aime dénoncer à travers ses paroles les travers de notre société. Oups. Bon, c'est pas super original, c'est sûr, mais le morceau que je vous propose aujourd'hui, c'est un bon résumé des charmes de mon plat pays. Corruption, trafic de drogue, vente massive d'armes à des pays coupables de crimes de guerre, ministre alcoolique qui confond de la Marseillaise et la Brabançonne, mais aussi moules, frites, Jean, au final, assez cool, et surtout la bière. On comprend pourquoi il y en a qui déménagent. Hein. Le saviez-vous, en 2021, il y avait 408 brasseries en Belgique qui brassaient plus de 2500 variétés de bière. Et là, ça rigole, moi. Ah, alors, attends, c'est pas fini. Prends des affaires, on déménage. Écoute ça. Si on compte également les bières uniques à production limitée, le nombre de bières dépassait les 8700. Mais ouais, vieux. Et donc, je ferme cette parenthèse culturelle qui était toutefois nécessaire et on écoute à présent cette véritable déclaration d'amour intitulée « Bienvenue en Belgique ». Yeah, original human dance soul punk out of Belgium, Belgique. Bienvenue en Belgique, c'est la quatrième dimension. Le bordel intégral, on est au bord de l'implosion. Bienvenue en Belgique, le compromis à la con. Terre de pions et de bouffons qui n'ont aucune opinion. Bienvenue en Belgique, c'est le grand cirque médiatique. La file des spécialistes qui prédisent une fin dramatique. Bienvenue en Belgique, le pays des petites piques. Grand flou démocratique et querelle linguistique. Bienvenue en Belgique, si t'es cool t'auras pas de blême. Tu trouveras tout ce qu'il faut, y'a de la weed, y'a de la scène. Bienvenue en Belgique, ici y'a que les vrais qui tiennent. Car il faut bien le dire, y'a pas grand chose qui tienne. Bienvenue en Belgique, terre de sound system. De MC, de culture, anti-système. Bienvenue en Belgique, hey yo human come again. Ici le hip-hop et le dancehall résiste quand même. Bienvenue en Belgique. Quand le terme chante la Marseillaise, y'a moyen de rigoler, mais y'a comme un malaise. Bienvenue en Belgique, le cul entre deux chaises. Pays à deux vitesses, à l'aise pour ceux qui pèsent. Bienvenue en Belgique, monarchie de pacotis. Résidus des colonies et amis de l'Opus Dei. Bienvenue en Belgique, bienvenue aux portes de la folie. Ministre alcoolique et église à l'agonie. Bienvenue en Belgique, tu verras les gens sont cool. Ils se prennent pas la tête du moment que ça roule. Bienvenue en Belgique, si t'aimes les frites et les moules. Si tu connais la bière ici c'est comme ça qu'on saoule. Bienvenue en Belgique, mais viens plutôt au printemps. L'hiver c'est dur, les gens tirent la gueule tout le temps. Bienvenue en Belgique, il y a souvent du mouvement. Des crises, des faits divers, des hold up, des déraillements. Bienvenue en Belgique. Bienvenue en Belgique. La jeunesse est au chômage. Dans les quartiers, ça sent l'orage. Bienvenue en Belgique, il y a des drogués de tous les âges. Et c'est la même chose pour les braquages. Bienvenue en Belgique, terre de transit et de trafic. Le crime ne connaît pas la crise économique. Bienvenue en Belgique, des armes on en fabrique. On n'est jamais loin quand la guerre rapide. Bienvenue en Belgique, on a tous les mains sales. Bienvenue en Belgique, petit royaume à scandale. Bienvenue en Belgique, mémé un gilet pare-balles. Bienvenue en Belgique, bienvenue au carnaval. C'est éclectique ce soir. Hein. C'est vrai qu'on est le bienvenu en Belgique. Oui, mais bien sûr, mais on le sait, on le sait. Ouais, c'est pourvu que ça reste comme ça. L'Ouest, c'est tout. Finaise. Ça tombe bientôt, on va devoir se réfugier c'est là-bas. On y va souvent. Ouais. Je l'ai sentu, moi, je l'ai sentu déjà. C'est clair, ils vont plus nous accepter. En tout cas, moi, je vous accepte pas. Bon, c'est pas vrai. J'ai des preuves, même des photos. Attends, on ira dans son jardin avec les poules. Ah, il y a un poulailler de libre. Sympa pour les Français. Ah bah, vous êtes les seuls à savoir chanter les pieds dans la merde. Oui. C'est ça. En même temps, l'animal de la Wanie, c'est quoi? Le coq. Voilà. Le coq. Ouais. Pareil. Ouais. Allez, le 19 décembre, il y a un split qui est sorti en autoproduction avec un groupe espagnol et un groupe français. Donc on va commencer avec l'Espagne, qui est représentée par Accidente, un groupe de Madrid que j'ai découvert grâce à PA du Bistro des Nazes, ex-écrasant la vermine. C'est un groupe qui l'apprécie de ouf, donc je vais laisser présenter le groupe. J'ai chopé ça dans les archives de Droogies Radio. Le groupe Accidente, ça vous dit quelque chose? Si ce nom vous dit rien, soit c'est que vous êtes insensible à la générosité madrilène de leur punk rock matinée de hardcore mélodique et vous avez oublié le groupe, soit vous êtes tout simplement passé à côté d'une perle rare. Or, Accidente, c'est à découvrir absolument. Soutenu par des grattes nerveuses, une basse virevoltante et une batterie qui sait cuisiner les cadences qui vont bien, le chant, principalement espagnol et féminin, assure même dans les moments les plus rapides une ligne mélodique de toute beauté. Formé en 2010, le quintet est clairement un art, tous ses textes transpirent le besoin de liberté avec un L majuscule et au singulier. Pas un carcan de nos sociétés de surconsommation n'y échappe et sont tous passés à la moulinette. Pourtant l'écoute d'Accidente, c'est sans lourdeur, une vraie bouffée de fraîcheur. Pas de leçon de morale ni d'aigreur, juste des claques et du bonheur depuis 2010, tout au long des 4 albums et d'un split qu'il partage avec les hardcoreux de Duelo. Duelo Depuis, il y a donc ce split avec Nightwatcher sorti le 19 décembre 2023. Je vous en ai extrait le morceau Atajos, ça veut dire raccourci. Tout de suite dans ton PCR, Accidente from Madrid et merci PA. Ben voilà, c'est fini. Oh, c'est beau, hein. Ah, c'est beau. Coucou PA. Bon, on était en Belgique, on y retourne. Sorti ce lundi 1er janvier 2024, le premier album des Anversois de Colère. C'est un 12 titres nommé Unleashed, plein de hardcore avec une pointe de 10 beats. Et un chant féminin, ça on aime. Moi, en tout cas suffisant pour attirer mon oreille. Donc à part l'outro qui est assez, d'ailleurs assez réminiscente de Driller Killer, salut PA, dans l'idée, et d'une durée record de 3 minutes 06. Salut tout PA. Le reste des titres sont sous la barre des 2 minutes. Donc en plus de la colère, t'as de la bagarre. Ça se trouve en numérique sur leur Bandcamp, colerepunk.bandcamp.com, et en vinyle grâce à leur Hell Noise Records, Peng Peng Records, Up the Punk. Ça c'est plutôt des Polonais je crois. Et puis Romantic Songs, c'est des Espagnols. Records. Donc bah sinon faudra chercher après eux pas en concert. Des Nas. Colère, faudra chercher après eux en concert pour vous procurer leur vinyle si vous en voulez. Ah oui, cerise sur le gâteau, il y avait même des trucs qui sont pas en anglais. Incroyable. Je vous ai donc choisi la chanson néerlandais Naïf pour ce premier passage de Colère dans Pyongyang City Rockers. Les voici. Oh, Ouais, puis c'est déjà passé. C'est déjà passé. Non, c'est pas déjà passé, colère. Quelle violence. Ça repassera. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est ouais, bientôt dans votre pizza ou je sais pas, dans votre BNR, ouais. Un truc comme ça. Sûrement, sûrement. Oui. C'est beaucoup trop violent pour moi, Stassil. C'est Pyongyang Styropian, c'est violent, tu sais. Ouais. Il est 20h37, presque ouais. 38. Je sais pas si vous avez vu passer, là, mais il y a un groupe d'Orléans qu'on connaît. 41. Toutes et tous. 41 ? Non, 45. 45. Ah merde. Ah non, ils ont fait leurs 30 ans en 2017. Je n'avais pas compté, mais là. Alors, ce groupe, c'est Burning Heads, évidemment, hein, le groupe d'Orléans. BH, pour les intimes. C'est ça. Bosnie-Herzégovine. Ils ressortent un disque. Ils ressortent un disque qu'ils ont sorti en 2001, qui s'appelle Opposite, où ils avaient mis que des morceaux reggae dub et qui est quand même une genre de petite masterpiece hein, pour un groupe de rock. Oui. Qui fait du reggae ou apparenté, hein, Dove et compagnie. Ils ont lancé les préventes en décembre et j'avoue que je me suis jeté dessus comme certains sur la Belgique en ce moment, donc je pouvais pas passer à côté du fait qu'à la maison m'attend mon beau double disque, parce qu'ils l'ont mis sur deux disques pour un peu décompresser le bazar. Ça sonne très très bien, c'est très très beau. Bon, la poste a un peu niqué le coin droit en haut à droite de mon disque, mais c'est pas très grave. Le disque fonctionne bien et il sonne grave et je suis trop content. Du coup, on passe une petite reprise qu'il y a dans cet album, la reprise de John Holt. C'est Monsieur Holt qui faisait ça à la base. Police in Helicopter. Arsaching, Marijuana. Trouble your bananas. I start being marijuana. Soldiers in the streets looking for indica. Soldiers in the fields. Soldiers in the fields burning the cali weed. But if you bien ce soir, hein, dis donc, c'est diversifié, éclectique. Hein. C'est propre. C'est beau. J'aime beaucoup aussi. Vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 320 sur Campus 106,6. Campus Lille, bien sûr. C'est pas Campus autre chose. Orléans. Tu vas bien, Val? Oui, ça va, je suis là. Tu t'es pas complètement frigorifié Non, mais ici, bon. Non, il fait très chaud par contre. Oui. Alors, donc. T'as l'air vraiment l'art de me déconcentrer, c'est dingue. C'est 45, c'est l'heure de la météo. Alors demain, vent et pluie comme d'habitude. Alors donc je voulais, passer aujourd'hui un morceau du nouveau LP de Malade qui est sorti ce 17 novembre, dont on avait d'ailleurs déjà parlé il y a quelques semaines, je pense. Donc Malade, c'est un groupe punk rock hollandais composé de Jordi, Jane, Tim, Yel et Ronnie. Et la plupart de ces zigotos jouent dans d'autres groupes. Jen et Ronnie sont occupés à finaliser l'album de Day Drinker. Yel a quelques dates prévues avec The Agitators cette année, mais le plus hyperactif dans l'histoire, c'est sans aucun doute Ronnie. Ronnie qui, selon les groupes, chante, joue de la batterie, joue de la guitare, dans The Reapers, Crown Court, Day Drinker, Armistice, Malade, et j'en oublie sans aucun doute. et donc le 24 février. Roughed up. C'était pas juste un one shot, je ne sais plus. Je pense, ouais. Oui, hein, ouais. Et donc le 24 février prochain, ça sera leur release party. Ça s'appelle Tales from the Punks au Baruch à Rotterdam. Avec à l'affiche, loin, entre autres, Lion's Law. Tyrant, je ne sais pas comment on prononce. Tyrant. Disturbance et Sucker de Oxymoron. Se joindra à Malade sur scène pour pousser la chansonnette. Ouais. Et ben, voilà. Donc on écoute donc à présent le morceau que Jordi, le chanteur, a sélectionné lui-même pour l'émission de ce soir. Oh bah merci. Ah bah oui. Qui s'intitule On Repeat. Thank you well, Jordi. Thank you, Jordi. Don't Serbi su lati da Kitama. Une reprise de Eddie and the Trots, t'avais pas reconnu. Mais, non mais qui c'est qui reconnaît? Bah c'est le grand-père, enfin celui qui maintenant est le grand-père du punk finlandais, Pelle Miljoona. Il joue toujours, hein, il fait un peu de tout, du rock'n'roll et puis du country et du western. Il fait du rap aussi ou pas? Non. Je crois pas. Oh, peut-être qu'il en a fait dans le passé, mais bon, bref. Je mec maintenant, bah voilà quoi. C'est une légende vivante. Là, ce truc-là a été enregistré au Tavastia Helsinki, une des plus vieilles boîtes punk du monde, parce que ça existe encore maintenant. Ils font pas que du punk non plus. Enfin, il y a encore des groupes punk qui passent dans ce truc, et ça date du 12 décembre 1979. Donc ça a 44 ans. Wow. Putain, voilà. Et le titre, donc, c'est pas Do Anything You Wanna Do, c'est L'Adetan Kitaman. Hein? Voilà. On a tous compris. Par Pelle Miljoona. Incroyable. C'est tout. Le incroyable qui veut dire wow. Là, la foutre. Oui. Quelle information. Ouais. Non, mais 44 ans quand même. Oui. C'est plus vieux que nous. Oui. Mais bien plus jeune que Stéphane. Bah. C'est, bah, c'est moi qui lui ai montré comment on faisait. C'est bien. C'est presque aussi vieux que le patron du hardcore. 44 ouais. Bon. D'ailleurs, on passe du temps là. On passe du temps à rien. J'ai pas de morceau, mais je voulais faire un peu de pub. En parlant du patron du hardcore. En parlant du patron du hardcore, il organise un concert au Black Lab avec Kawaii Molotov. C'est Krav Boka. Il en a déjà parlé ici, mais je préfère en reparler quand même. Ouais, puis on en reparlera la semaine prochaine. C'est jeudi 11 janvier, donc ouais, c'est la semaine prochaine. Oui. Au Black Lab, c'est 8 euros en pré-vente. Il n'y a pas que Krav Boka. Et il y a Sinoc aussi et DJ Stamif. Qu'une soirée rap pour le patron du hardcore. Ben, c'est ça. Il est tellement hardcore qu'il fait du rap. Il est dans sa période de Beastie Boys ou quoi? Il manque plus que Psychochondriac, puis hop, la soirée. Ah, reformation exceptionnelle peut-être? Non, je pense pas, non. Donc jeudi prochain. Pas demain, mais en janvier. Au Black Lab. De toute façon, demain, le podcast ne sera pas encore mis en ligne. Oh, le médisant. Regarde ça, t'as vu comment il fait. Il y a à peu près la moitié des podcasts qui sont mis en ligne le lendemain. Oui, c'est vrai que c'est toujours assez facile. Tu arrêtes un peu. Mais écoute, attention. Eh ben moi, j'aime beaucoup cette annonce. Ça me donne envie de faire la fête. J'aime bien. Ça me fait très très plaisir. C'est à cause du morceau là que je vous propose maintenant que je me suis décidé à venir aujourd'hui vous présenter mes vœux. C'est un morceau allemand encore, je vous donne juste le nom du groupe. Le groupe a démarré en 2019, c'est pas bien vieux, c'est deux jeunes gens, un duo. Ça s'appelle Brutalismus Dreithausen. Ça vient de Neukölln à Berlin. Je vous donne pas le nom du morceau, mais vous comprendrez tous et toutes très vite pourquoi il fallait que je vienne ce soir. J'ai un indice, ça commence par un chiffre. Voilà. Et en plus, c'est vrai. Allez, 99 Stuff Balloons. Allez, les Toxico, bonne soirée. Ice bear. t'as vu l'enchaînement, il reste 16 secondes pour dire au revoir. Ciao, bye bye, à la semaine prochaine. Merci à tous d'être venus, merci à tous d'avoir écouté, supporté Gang City Rockers. Merci beaucoup, bonne année, merci de m'avoir accueilli. Et puis on n'oublie pas. À cab. À cab.